Madame Madame Clairvoyance, qui n'y voit Clairvoyance, pas qui si voit pas clair que si clair ça. que ça. Madame Madame Clairvoyance, mais qui c'est qui, mais qui c'est quoi? Madame Clairvoyance, si tu l'écoutes, t'es dans nos droits. Madame Clairvoyance, si tu l'écoutes, c'est que ça ne va pas. Madame Clairvoyance, elle veut son chèque avant.